Vous écoutez France Culture. Le Salon Noir. Notre lointaine préhistoire est-elle d'actualité? D'ailleurs, y a-t-il une actualité de la préhistoire? L'extraordinaire découverte d'un nouvel homme, vieux de près de 2 millions d'années, en Géorgie, tombe justement à pic. Quoi qu'il en soit, mon invité, célèbre chasseur et découvreur de fossiles humains, n'est certainement pas à convaincre. C'est un des plus fins connaisseurs de nos lointaines origines, celles qui nous font plonger dans l'Afrique orientale et la bipédie. Il est surtout un de nos plus grands conteurs qui, en direct du Salon Noir, nous commentera aujourd'hui 6, voire 10 millions d'années d'évolution. Yves Coppens, bonjour. Bonjour. Paléo-anthropologue, professeur au Collège de France, membre de l'Académie de médecine, mais aussi de sciences. Vous venez de publier chez Odile Jacob « Le présent du passé au cube, des nouvelles de la préhistoire », un livre issu de vos chroniques de France Info. L'actualité en préhistoire fait la une cette semaine de nos grands journaux quotidiens et hebdomadaires. Le sujet, un crâne, le cinquième issu d'un des plus riche gisement de fossiles humains en Europe. Yves Coppens ? Oui, en effet, oui. Ce site s'appelle Manissi et c'est amusant parce qu'il a été trouvé par des archéologues. Archéologues, je dis bien, pas des paléontologues. Des archéologues qui fouillent un château. Et arrivés au fond du château, ils sont tombés bien sûr sur ce qui était sous le château. Et sous le château, il y avait ce site préhistorique. Et à l'époque, c'était dans les années 90, ils ont fait appel à un vieux géorgien, un vieux collègue géorgien charmant qui est mort depuis, qui s'appelait Gabounia et qui s'y est précipité. Et il a passé la main à son élève préféré qui s'appelle David Lorkipanidze. Joli nom géorgien, n'est-ce pas ? Très beau. En tout cas, aujourd'hui, un cinquième crâne apparaît. Donc, c'est un gisement tout à fait exceptionnel. Exceptionnel parce qu'il y a tout. On a de la chance d'y avoir d'abord une datation, bonne datation, parce qu'il y a des niveaux volcaniques. 1,8 million et quelques, quoi, c'est pas mal. D'autre part, il y a les restes humains, il y a les outils de ces humains et il y a la nourriture au moins carnée de ces humains. Autrement dit, tous les restes de faune et ça donne une information sur l'environnement. Donc on a tout d'un coup à 1,8 million juste entre l'Europe et l'Asie. C'est magnifique. Et alors ce qui est étonnant, c'est que tous ces crânes ont été découverts dans des sortes de tanières. Ils auraient donc été peut-être l'objet de prédation par quelques grands carnivores. Oui, alors ça, c'est plus douteux parce que tout de même, c'est comme ces crânes, enfin ces crânes et puis les autres restes du corps sont accompagnés des outils. Même si c'est le cas, le site d'habitation n'était pas loin. Le site d'habitation provisoire, hein, c'était évidemment des nomades comme tout le monde, si j'ose dire. Une petite halte de chasse à ces époques-là. Où ils se seraient fait chasser. Oui. En tout cas, ce qui est très important, c'est cette grande variabilité dans ces crânes et bien sûr le fait que l'on puisse les trouver dans un même gisement et qu'ils datent à peu près de la même époque. Oui, alors ce n'est pas nouveau. Hein. Je ne veux pas être désagréable vis-à-vis de ces géorgiens. Mais ce n'est pas nouveau. Moi, j'ai vérifié, enfin, je ne veux pas me mettre en avant, mais c'est quand même mon cas que je connais le mieux. Et c'était dans mon cours de 87 au Collège de France, par exemple. Il a été publié, hein, donc c'est facile à vérifier. Mais évidemment, en science, on peut envisager des choses, on peut dire des choses, on peut pressentir des choses, mais il faut les démontrer. Et là, la grande nouveauté, c'est évidemment que c'est démontré. C'était démontrable et c'est désormais démontré sur des crânes. Autrement dit, les crânes qui ont été découverts sur ce site sont aussi bien ce que l'on appelait Homo habilis, que ce qu'on appelait Homo edolvensis, que ce qu'on appelait Homo ergaster, que ce qu'on appelait Homo erectus. Ça veut dire que la variabilité, on ne l'avait pas vraiment démontrée jusque-là, tout simplement parce que les sites paléontologiques, en général, quand ils offrent un bout de crâne, un bout de dent, on est déjà bien, bien content. Alors, on connaissait bien sûr Homo erectus, Homo ergaster, mais aussi le Rudolfensis, le crâne numéro 5, hein, Skull 5, comme il est dit dans la publication, tiendrait de l'Homo erectus et ergaster, donc cela complique un peu les choses. Cela montre que les critères n'étaient pas très bons, de fait. Oui, c'est-à-dire qu'on fait avec ce qu'on a, quoi. Quand on décrit une seule pièce, on décrit les caractéristiques de cette pièce et par définition, on ne peut pas aborder l'aspect statistique. Donc, on a cru voir une succession d'humains et une succession de caractères allant avec ces humains. Et ces caractères représentent en fait la diversité de caractères d'une population, ce qui confirme, conforte en tout cas, l'idée qu'il n'y a qu'un seul homme qui soit sorti d'Afrique, un seul homme qui se soit déployé à travers l'Afrique et l'Eurasie, et que cet homme, enfin un seul homme, je veux dire une seule population bien sûr, et que cette population montre la très grande homogénéité du genre humain. Ça montre aussi déjà que les caractères spécifiques sur chaque homme ne marchent pas forcément. Et puis Socrate est de fait une sorte de troublion dans le paysage pour certains chercheurs qui pensaient qu'il y avait plusieurs lignées dans ce genre. C'est bien ça, Yves Coppens ? Oui, mais tant pis pour eux. Enfin, des troublions. Il faut aussi qu'il y en ait qui aient raison et puis qu'il y ait d'autres qui se trompent. Hein. C'est la science. La science, elle est toujours réfutable. On avait deux écoles à l'époque sur cette unique lignée ou tout au contraire, une lignée beaucoup plus buissonnante. Comme toujours, il y a des gens qui adorent multiplier et puis d'autres qui adorent réunir et synthétiser. C'est toujours la même chose. Ceci étant dit, c'est un petit peu l'ordre des choses aussi. Je veux dire que chronologiquement, quand on trouve un gisement nouveau, un fossile nouveau, on a tendance à lui donner un nom nouveau, ne serait-ce que pour le différencier. Et puis quand ensuite on a beaucoup d'individus, on s'aperçoit que cette diversité que l'on avait envisagée n'existe pas. Et donc on va toujours, c'est beaucoup dire, mais on va souvent du compliqué au simple. Donc ce que l'on peut dire, c'est qu'à 1,8 million, aux portes de l'Europe, on aurait eu qui ? Probablement un erectus ? Oui, moi je n'aime pas ça. Hein. Je pense que Lord Kipanizé sera obligé de revenir en arrière, parce que erectus, ce fichu Homo erectus, lui-même n'a pas de caractère particulier. Il est un petit peu plus que celui d'avant, un petit peu moins que celui d'après, ou inversement en fonction des caractères. Pour les dents, c'est un petit peu moins important, et en ce qui concerne le crâne, c'est un petit peu plus important. Et en fait, il vaudrait mieux qu'on parle d'habilis tout de suite, et que ce soit un habilis avec des sous-espèces ou des races, ergaster, erectus, etc. Donc il a dit erectus pour être dans le bon ton, mais il sera obligé, ou nous serons obligés, de revenir à habilis pour expliquer la même chose un de ces jours. En tout cas, pour vous, c'est de toute manière quand même une grande découverte. Ah oui, bien sûr. Oui. Qui montre un peu la diversité des... Non, j'allais dire des espèces. Non, mais des hommes. C'est ça. Au sein d'un groupe. Oui, c'est ça. C'est ça. Et ça conforte l'idée quand même qui est bien belle du seul genre humain. Il y a un genre humain. Alors le déploiement, la diversité, elle était avant. La diversité, elle sera à nouveau après parce que ce sont des petites populations qui sont séparées les unes des autres. Mais il n'empêche qu'il y a un genre humain, même s'il y a eu beaucoup de diversification de ce genre. Alors remontons dans le temps, Yves Coppens, à la première page de votre livre, vous le dites. L'histoire de l'évolution est celle d'un buisson avec de multiples fourches. Mieux un bouquet phylogénétique, c'est bien ça ? Oui, alors précisément, ça a l'air d'aller en contradiction avec ce que je viens de dire, mais pas du tout, parce qu'avant, les préhumains sont très diversifiés. Il y en a beaucoup, il y en a un par niche écologique. Et ça, on le démontre très facilement aujourd'hui où on a beaucoup d'éléments. Donc, grand bouquet avant, et puis ça se réduit à cette naissance de l'homme, cette naissance du genre humain. Mais le genre humain, quand il se déploie, ce que je disais à l'instant, quand il se déploie, il atteint d'immenses surfaces et avec une démographie très faible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une petite population en Europe qui ne voit pas tous les dimanches la petite population qui est au Proche-Orient, qui ne voit pas tous les samedis soirs la petite population qui est arrivée en Extrême-Orient, etc. Et chacune, à ce moment-là, se diversifie. Autrement dit, la diversification, elle est avant, et puis apparaît l'homme, et puis il se déploie à partir d'une seule origine, et la diversification, elle reprend aussi après, avec Néandertal, Denisova... Dont nous allons bien sûr parler. L'origine, si une origine il y a, ce n'est pas 3 millions d'années, ni même 6, c'est 10 millions d'années qu'il faut désormais rechercher. Oui, alors, enfin, moi, dans mes conférences, je parle volontiers de 10 millions, tout simplement parce que 10 millions est un chiffre rond, et parce que les généticiens ont parlé de 6 millions, puis ensuite les généticiens ont parlé de 12 millions, donc c'est un bon ordre de grandeur. C'est vraiment un ordre de grandeur, c'est-à-dire que 10 millions, on n'en sait rien, c'est peut-être un peu moins, c'est peut-être un peu plus. Moi, je crois que c'est plutôt un peu moins. Le plus vieux fossile que l'on ait parmi les hominidés, c'est Sahelanthropus, c'est-à-dire Toumaï. Et Toumaï, il y a 7 millions d'années. Mais on voit déjà un changement dans la flore autour de 9 millions d'années, avec des primates qui ressemblent déjà à quelque chose comme des préhumains ou des préchimpansés. Donc la divergence a déjà eu lieu. Donc voilà, c'est peut-être pas 10, mais c'est de l'ordre de 10. C'est plus commode de dire 10 que de dire 9,3 ou 4,5. En tout cas, Nakalipithecus pourrait être donc notre grand-grand-grand-grand-papa, comme vous l'écrivez. Oui, vous l'avez bien celui-là. Hein. Ben, il y en a trois, là, tout à fait à la base. Qui ont et tous trouvés par des Japonais, c'est bien ça ? Oui, ouais, qui ont tous entre 9 et 10 millions d'années. Et il y en a un qui s'appelle Chororapithecus. Ce sont des noms épouvantables, hein, mais je n'y peux rien. Ils n'ont pas de petit nom, ils n'ont pas de prénom, ceux-là. Donc Chororapithecus, il y en a un autre, c'est Nakalipithecus, en effet. Et il y en a un autre, c'est Samburupithecus. Et il se trouve que tous les trois ont été trouvés par trois équipes japonaises. Et j'étais la semaine dernière avec un de ces trois-là, qui s'appelle Hidemi Ishida, et qui riait beaucoup, comme savent faire les extrêmes orientaux, de cette bonne plaisanterie que les Japonais avaient fait au monde de la science en découvrant les trois plus anciens primates susceptibles d'être à l'origine de l'homme. Et la recherche japonaise s'intéresse aussi à des périodes plus récentes ? Ben, la recherche japonaise s'étend comme tout pays en bonne santé. Elle peut se permettre de donner du temps à cette recherche qui est évidemment un luxe pour certains autres pays. Et les Japonais s'intéressent en effet à beaucoup, beaucoup de choses, et en particulier aussi, comme vous le suggérez, aux hommes actuels, à l'ethnologie. En tout cas, l'Asie peut être aussi un nouveau terrain tout à fait extraordinaire. Bien sûr. La Chine et autres oui, commencent à relever des choses peut-être plus récentes, mais tout à fait aussi extraordinaires. Ah, plus récentes, oui, mais encore très, très anciennes. Regardez l'histoire de Dmanisi dont on a parlé, là, l'histoire de Géorgie, c'est 1,8 million. L'Extrême-Orient, dans la mesure où les dates sont fiables, sont bonnes, l'Extrême-Orient, comme la Chine, donne des pierres taillées de plus de 2 millions. Plus de 2 millions d'années. Donc ça veut dire que l'homme n'est pas ce que je pense, hein, ne s'est pas répandu de l'Afrique vers l'Eurasie il y a 1,8 million, mais bien avant, c'est beaucoup dire, au moins un peu avant, jusqu'à certaines limites, hein, autrement ça n'aurait plus de sens. Mais 2 millions, 2 millions 5, ça ne m'étonnerait pas. Évoquons ces préhumains, ni singes ni hommes. Les voici désormais debout sur leurs fémurs. Le meilleur exemple dans cette galerie de portraits serait Aurorine. Aurorine, d'ailleurs, que vous avez copublié, Yves Coppens. Oui, Aurorine, qui a été découvert par une élève à l'origine, mais qui est devenue une collègue brillante, Brigitte Senu. Et Muséum d'histoire naturelle. Et son équipe, professeur au Muséum d'histoire naturelle. Et cette aurorine a fourni ce que nous attendions, c'est-à-dire d'une part des fémurs, d'autre part des humérus. Et par son humérus, c'est-à-dire l'os du bras, on voit que cette aurorine grimpe. Et par son fémur, l'os de la cuisse, on voit que cette aurorine marche. Donc c'est la caractéristique de ces préhumains qui continuent à grimper un peu comme ceux d'avant, et qui commence à marcher un petit peu comme ceux d'après. C'est formidable. Hein, tout à fait extraordinaire. Qui est aujourd'hui le premier hominidé, devrait-on dire, bipède ? Aurorine, Ardipithecus, votre fameuse Lucie ? Non, ou encore un autre. Probablement Toumaï. Toumaï les précède dans le temps, et si Toumaï est un hominidé, ce qui semble être la solution à son étude, lui est déjà debout, ou au moins debout quand il ne grimpe pas. Et finalement, on comprend bien que ce soit l'ouverture du paysage, c'est-à-dire la consommation aussi bien de fruits dans les arbres que de racines au sol, qui entraîne cette adaptation. Étrange d'ailleurs. Moi, je n'en reviens pas de cette adaptation. Pour s'adapter à ce changement de paysage, on se met debout, vous rendez compte ? Se mettre debout, c'est quand même pas facile, c'est quand même pas innocent. Ça change la stature, ça change la position du crâne, ça change les courbures de la colonne vertébrale, ça change la forme du bassin, ça change l'axe de gravité. Quelle histoire ! Toumaï, bien sûr, il faut peut-être le dire, découvert par Michel Brunet au Tchad. Oui, oui. Une très très belle découverte. On la date désormais de 6,9 millions à 7,2 millions, c'est à peu près ça ? Oh, 7 millions, oui, 7 millions bien sonné. Vous savez, il y a des datations absolues, bien sûr, qui existent et qui donnent une allure un peu plus fiable parce que ce sont des chiffres et qu'on est attaché aux chiffres. Mais moi, en tant que paléontologue, j'aime beaucoup les datations biochronologiques. Alors, je m'explique. Avec ce crâne et puis aussi avec les autres, il y a des animaux. Et les animaux évoluent. Or, quand un animal évolue, on a déjà une idée de l'âge relatif. Mais quand vous avez 100 espèces, une centaine d'espèces associées à un hominidé et que vous avez 100 fourchettes de stades évolutifs, vous avez une datation évidemment merveilleusement fixée et quelquefois mieux fixée même que la datation absolue. Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle Yves Coppens que nous évoquons votre livre « Le présent du passé au cube, des nouvelles de la préhistoire ». Donc on parlait de ces préhumains d'environ 10 millions d'années. Ils vont perdurer jusqu'à quelle époque à peu près ? Ils perdurent jusqu'autour d'un million d'années, c'est-à-dire qu'ils vont recouvrir le début des vrais humains. Et c'est une très longue histoire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que leur diversité, leur diversification en fonction des niches écologiques qu'ils habitent, puisqu'ils habitent aussi bien le centre de l'Afrique que l'est de l'Afrique que le sud de l'Afrique, ce qui est considérable, une sorte d'auréole autour de la forêt équatoriale, eh bien, ces gens-là se diversifient beaucoup et durent longtemps. C'est-à-dire que l'extinction de certains d'entre eux, pas tous, puisque certains sont devenus humains, est tout à fait triste. Ceci étant dit, ils auront quand même vécu près de 10 millions d'années, s'ils s'éteignent autour d'un million d'années. Il n'y a bien sûr pas que la Corne de l'Afrique, l'Éthiopie et le Kenya. Il y a aussi l'Afrique du Sud avec ses fossiles tout à fait extraordinaires. Littlefoot, le dernier sorti de terre, 12 ans ou 13 ans de fouilles pour le dégager. Oui, c'est amusant ça, hein. C'est l'histoire presque incroyable d'un collègue qui s'appelle Ron Clark et qui rangeait les collections du Witwatersrand University, d'un laboratoire à l'université de Johannesburg, et qui, dans une boîte marquée 1938, fouille de 1938, a découvert des os qui n'avaient pas été déterminés et qui correspondaient aux os d'un pouce de pied, d'un premier rayon de pied. Et il s'est dit, mais c'est un hominidé. Et c'est pour ça qu'il l'a appelé Littlefoot. Et puis, découvrant de la même manière un bout de tibia, ses collaborateurs sont descendus dans la grotte de Sterkfontein d'où venaient ces os de pied. Et ils ont trouvé le reste du tibia. Et c'est à ce moment-là que Ron Clark est descendu lui-même et a commencé une fouille. Et il a trouvé tout l'être, quoi, tout l'australopithèque, qui est encore mieux conservé que ne l'est Lucie. On n'en parle pas beaucoup et c'est dommage. Lucie garde la vedette, tant mieux, réjouissons-nous. Mais Littlefoot est aussi une grande belle découverte. Et moi, je suis descendu avec Ron Clark au fond de Sterkfontein pour voir ce personnage quand il était encore dans son caillou. Oui. C'est une brèche, hein, c'est dur. Il serait tombé d'un aven, dans un trou, c'est ça, hein ? Il serait tombé là, oui. Il serait tombé dans ce fond de grotte de Sterkfontein. Et, Et il aurait tenté d'en sortir sans résultat. Et finalement, il est mort là d'inanition, en quelque sorte. Dans cette grotte de Sterkfontein, il y a d'autres fossiles. Là, c'est aussi encore un gisement tout à fait exceptionnel. Oui, alors il y a d'autres fossiles. Et c'est, vous allez comprendre... Dont un que vous évoquez dans votre livre. C'est très simple. Du bas en haut, on donne aux couches les noms, les numéros de 1, 2, 3, 4, 5. Et jusque-là, les restes que l'on avait découverts sont des restes des couches 4 et 5. Et la couche 4 a donné ce fameux fossile qu'on appelle Mrs. Place, parce qu'on a pensé longtemps que ça pouvait être une femme, et c'est un australopithèque, il a un peu plus de 2 millions d'années. Et puis, on n'avait rien trouvé dans 3, on n'avait rien trouvé dans 2, on n'avait rien trouvé dans 1. Et finalement, Littlefoot vient de 2, vient de la couche 2, donc il est plus ancien que 2 millions 100, 2 millions, un peu plus de 2 millions d'années. Donc, il peut avoir autour de 3 millions d'années. Mais c'est une grotte particulièrement riche. Et pour ceux qui se rendent en Afrique du Sud, allez la voir. Elle n'est pas loin de Johannesburg. Et il y a un très beau musée, en dehors de la visite d'une partie de la grotte, un très beau musée qui donne les résultats de ses travaux depuis les années 30, quand même. Yves Coppens, faisons un peu de déterminisme. L'évolution de l'homme n'est-elle qu'une réponse au changement climatique? Ah, pour moi, oui. Pour moi, tout à fait, oui. Pour moi, les préhumains, comme leur nom l'indique, préexistent à ces humains. Mais j'ai travaillé ça pendant 10 ans quand même, hein, dans le sud de l'Éthiopie. On voit tout d'un coup un climat qui était humide devenir moins humide, en gros de plus en plus sec. Et là-dedans, les animaux se transformaient dans le sens de l'adaptation. C'est tout à fait clair, hein, adaptation à cet assèchement, et les hommes font pareil, bien sûr. Autrement dit, un préhumain devient humain pour s'adapter vraiment, pour survivre, quoi. Et en l'occurrence, pour s'adapter à ce changement climatique. Et en l'occurrence, il devient humain de deux façons différentes. D'une part, par le grossissement et la complication de son cerveau, utile pour des stratégies nouvelles dans un milieu où, découvert, on est plus exposé aux carnivores. Hein. Moi, je connais ces milieux, et quand ça se découvre, tous les animaux sont inquiets, à juste raison. Il y a quand même du carnivore dans la plaine. Et d'autre part, par le changement de la denture, parce que quand on n'a plus assez de végétaux à manger, ben, on se met à manger autre chose, et en l'occurrence, on se met à manger de la viande. Autrement dit, l'homme se définit par une plus grosse tête et une mâchoire à manger de tout. En gros, hein. Nous parlions tout à l'heure de la Géorgie et de ce crâne qui vient donc d'être découvert à Manissi, hein, aux portes de l'Europe. Hein. Sans chauvinisme, voyons ce que nous avons chez nous. Peut-être la présence de l'homme à 1,5 million et le tout près de Montpellier. Oui, alors ça a été un petit peu réduit récemment à 1,2 million. J'ai revu les inventaires, les découvreurs, mais c'est quand même beaucoup. Et les découvertes les plus anciennes d'Espagne, pour le moment, ont aussi cet âge d'1,2 million ans. Et en Italie, peut-être un peu plus ancien, non? C'est ça, 1,5 million ou 1,6 million à Pironore, dans un site qui a donné pour le moment seulement des outillages. Mais on espère trouver ce bonhomme européen. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison, quoi, qu'il ne soit pas passé en Europe avant. Étant à 1,8 million là-bas, au Proche-Orient, en Géorgie, pourquoi voulez-vous que sa curiosité ne soit allée que vers l'Est et pas vers l'Ouest? Enfin, donc vous pensez à une diffusion rapide? Oui, enfin rapide, j'en sais rien, mais enfin, dès que les conditions géographiques et climatiques ont permis son déploiement, il est venu en Europe, oui, bien sûr. On chasse le fossile sur le terrain, bien sûr. On peut aussi le chasser en laboratoire pour preuve cette nouvelle espèce humaine trouvée par des généticiens du Max Planck de Leipzig. Une découverte tout à fait incroyable. Ah oui, oui. Non, mais ça, il faut saluer l'entrée, en quelque sorte, de la génétique dans notre domaine. Jusque-là, les paléontologues pensaient que ils étaient les seuls à pénétrer le passé et à l'analyser. Mais maintenant, la paléogénétique a les moyens de le faire, du moins sur les plus récents, quoi. Enfin, les moins anciens, disons. Jusqu'à 500 000 ans, c'est possible. Jusqu'à 1 million d'années, c'est plus difficile, mais quelquefois possible. Au-delà, ce n'est plus possible. Alors, il s'appelle l'homme de Denisova. Il a été trouvé dans l'Altaï. Ah oui. Il n'est ni Homo sapiens sapiens, ni homme de Néandertal. Oui, les généticiens l'ont déterminé sur la dernière phalange du dernier doigt, du petit doigt, d'une main. Je m'excuse auprès des autres paléontologues, mais jamais un paléontologue, un paléoanthropologue n'aurait osé déterminer une nouvelle espèce sur un petit bout de phalange. Et ce serait donc un descendant, il y a sans doute 800 000 ans, celui-là, une quarantaine de milliers d'années. Mais il se serait décroché, si j'ose dire, de la branche néandertalienne il y a 800 000 ou 1 million d'années. Une récente grande découverte aussi, que nous supputions un peu déjà, l'interfécondité de Sapiens et de Néandertal. Donc, en un mot, nous avons tous ou presque tous un peu de Néandertal en nous. Normalement, oui. Moi, j'ai un petit pas peu tous, de... Pas tous, mais bon. Oui, c'est un peu ponctuel quand même. Enfin, ça, c'est vrai que les tests qui ont été faits sur des Français, d'ailleurs... sur des Papous, sur des Chinois, ont montré que les Européens et les Asiatiques avaient des restes de Néandertal. Ça a été fait sur les Africains et eux n'en ont pas, ce qui est normal, puisque Néandertal est apparu une fois l'homme sorti d'Afrique. Donc c'est cohérent avec ce que l'on pensait au départ. Alors il y a une autre alternative, il y a une autre solution. Moi, je me demande quand même si l'homme n'est pas... sorti d'Afrique d'une autre manière, par un autre endroit, par Gibraltar, pour tout vous dire, et s'il n'aurait pas été porteur à ce moment-là de ces caractères qui sont à la fois sapiens et néandertal, et d'où la raison pour laquelle on retrouve ces traces aujourd'hui. Autrement dit, hybridation peut-être, mais peut-être origine pas encore bien récupérée, bien repérée, bien décrite. Et c'est normal, parce que la paléogénétique commence juste ses travaux. Et puis, il n'y a pas que l'homme, il y a aussi les femmes. Et pour évoquer à cette occasion une découverte tout à fait extraordinaire, en Allemagne, dans le Jura Suabe, dans la grotte de Lefels, une petite Vénus d'environ 40 000 ans, preuve de l'arrivée de l'homme moderne. Elle est belle, hein ? Elle est formidable. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle ! Extraordinaire. Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est que, on reprend ce qu'on disait tout à l'heure, le territoire est immense, donc les populations se répandent, mais ne se voient pas tous les jours. Et le groupe qui évolue en Europe devient néandertalien, et ceci très tôt, hein, moi je pense dès le million d'années, mais enfin, en général, je pousse les âges. Et après, on me rejoint. Hein. Et ce n'est qu'au cours de l'histoire, autour de 50 000 années, que l'Homo sapiens arrive en Europe. Donc, Europe occupée, peuplée depuis longtemps par Néandertal. Et cet Homo sapiens qui arrive en Europe, arrive avec ce pouvoir, cette potentialité de fabriquer des sculptures et de peindre les grottes et de faire des graffitis partout. En tout cas, votre livre est bien entendu le reflet du plaisir de la découverte. Il est aussi le reflet du plaisir d'être sur le terrain, de vivre la recherche. En deux mots, Yves Coppens. Oui, deux mots. Le terrain est vraiment notre laboratoire à nous. Et si on veut chercher le passé, on n'a pas d'autre choix que d'aller le chercher sous nos pieds. Yves Coppens, merci beaucoup. Donc, je rappelle le titre de votre dernier livre, Le présent du passé au cube, des nouvelles de la préhistoire, publié chez Odile Jacob. Mardi prochain à 15h30, le Salon Noir évoquera les recherches des archéologues français dans le monde. Le Salon Noir était réalisé par Peyré Legrand, à la technique Myriam Guéraud. Attaché d'émission, Catherine Denet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site de franceculture.fr, ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inra.fr.